encore tente de saisir un jour plus loin au fur et à mesure. La distance plus lointaine, le silence inatteignable. L'impossible sombre dans la torpeur. Nous écarter de nos mouvements naturels. Un jour si tu as le contact, le nom au plus de ses points. Suspens mystérieux, léger, tremblant, le nez et moi en floraison. Nos rêves ensemble ne parlent à l'une son.